إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، je vous recommande ainsi qu'à moi-même de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de lui obéir. Ya ibad Allah, il est indispensable pour chaque musulman de soigner ses fréquentations et de faire en sorte qu'elles soient saines et l'orientent vers la bienfaisance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attiré notre attention sur ce grand principe en nous disant « Ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil » L'homme a la même religion que son ami, que l'un de vous fasse bien attention à celui qu'il prend pour ami. Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Cela signifie qu'une personne est sur la même religion que son ami, le même chemin que son ami, la même nature, les manières et le comportement de son ami. Donc nous devons être prudents pour choisir nos amis. Ainsi, si votre compagnon est bon, il vous tirera vers ce qui est bon. Mais si votre compagnon est mauvais, il vous tirera seulement vers ce qui est mauvais. Et l'homme est connu selon les compagnons qu'il fréquente. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, a dit « En effet, une personne accompagne et marche à côté de celui qu'il aime et celui qui est semblable. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « El mar'u ma'a man habba » Chacun sera avec celui qu'il aura aimé. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ya ibad Allah, sache que l'amitié doit être basé sur la foi et la fraternité sincère. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple du bon compagnon à un vendeur de parfums et le mauvais compagnon à l'exemple du forgeron. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'exemple du bon compagnon et du mauvais compagnon est celui de celui qui porte du musc et du forgeron. Quant à celui qui porte du musc, ou bien il se fait un cadeau de son parfum, ou bien tu lui en achètes, ou bien tu profites de sa bonne odeur. Quant au forgeron, ou bien il brûle tes vêtements, ou bien tu sens de sa part une vilaine odeur. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah a dit à propos de ce hadith, « Dans ce hadith, on voit l'interdiction de s'asseoir avec les personnes dont la compagnie est néfaste pour les affaires de la religion et de la vie mondaine. De même, que l'on y voit l'incitation à s'asseoir avec les personnes dans la compagnie bénéfique dans ces deux domaines. Et l'imam al-Nawawi, rahimahullah, a dit, on voit dans ce hadith, le mérite de côtoyer les vertueux et l'interdiction de côtoyer les personnes mauvaises et les gens de l'innovation. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, la tusahib illa mu'minan, wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Ne côtoie que le croyant et ne mange qu'en compagnie du pieux. Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Ya ibad Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne côtoyer que le croyant, car le croyant aura certainement un effet sur ta religion, ta moralité et ton comportement, ce qui te poussera à être comme lui. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne manger qu'en leur compagnie, car le croyant mange et boit seulement de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est certes dur en punition. Et dans un autre verset, il dit, fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux, en cherchant le faux brillance de la vie sur terre, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dans le comportement est outrancier. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de nous entraider dans l'accomplissement des bonnes œuvres et la piété. Il a mis en garde contre l'entraide dans le péché et la transgression. Il a menacé d'un dur châtiment ceux qui ne suivent pas son commandement. Ensuite, il nous ordonne de patienter et de rester en compagnie de ceux qui l'invoquent matin et soir et de ne pas nous éloigner d'eux afin de ne pas être tentés par des gens qui pourraient nous détourner de son rappel. C'est pourquoi les salafs jugeaient une personne en fonction de ses fréquentations. Il a été dit, ne vous renseignez pas au sujet d'un homme, mais renseignez-vous au sujet de ses compagnons. Chaque personne est guidée par son compagnon. Ya ibad Allah, sache que la mauvaise compagnie peut te ramener jusqu'à la mécréance. Comme il a été rapporté dans le Sahih Bukhari, qui nous rapporte un hadith dans lequel l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, lorsqu'il était sur le point de mourir, et qu'il y avait auprès de lui des gens parmi les mécréants du peuple de Quraysh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à lui et a dit, « Oh mon oncle, dis la ilaha illallah, prononce cette parole avec laquelle je pourrai intercéder pour toi le jour du jugement dernier. » Mais les gens qui étaient auprès de lui ont dit, « Vas-tu délaisser et abandonner la religion de tes ancêtres ?» Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, « Oh mon oncle, dis cette parole, je pourrai te défendre le jour du jugement dernier. » Et les gens qui étaient autour de lui ont répété cette parole jusqu'à ce que la dernière parole fût « Je meurs sur la religion de mes ancêtres. » Alors que l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam était convaincu et avait la ferme conviction que le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam était vrai et que l'islam était la religion de vérité. Mais pour quelle raison est-il mort sur la mécréance? Et pour quelle raison est-il mort sur l'égarement? La réponse est simple. Les mauvaises fréquentations, ya ibad Allah, qui sont venues autour de lui, ils l'ont influencé jusqu'à ce qu'il meure dans cet état, alors que cela était contraire à sa croyance. Ya ibad Allah, combien de personnes meurent dans la désobéissance à Allah? Combien de personnes meurent dans les péchés? Combien de personnes meurent dans des endroits qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas? Combien de personnes meurent en délaissant la prière? Combien de personnes meurent en buvant de l'alcool ou en étant ivre? Si tu médites sur ces causes, tu verras que ce sont les mauvaises fréquentations. Rappelez-vous, mes chers frères, que l'amour d'autrui ne sera d'aucune utilité le jour du jugement s'il n'était pas basé sur l'amour d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Al-akhillâu yawma'idhim ba'duhum li ba'din adou illa al-mustaqim » Les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. Ya ibad Allah, ne sois pas parmi les insouciants et ne sois pas avec ceux qui appellent à l'égarement, ceux des gens qui s'aiment pour des intérêts mondains, ceux des gens qui s'aiment pour des raisons matérialistes, ceux des gens qui s'aiment pour des raisons politiques, ceux des gens qui s'écartent du rappel d'Allah et qui appellent au mal, l'injustice et qui suivent un autre chemin que celui des croyants. N'attendez pas le jour du regret où les hommes seront ennemis les uns des autres et diront ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira, hélas pour moi, si seulement j'avais suivi chemin avec le messager. Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a en effet égaré loin du rappel, le Coran, après qu'il me soit parvenu. Et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. يا الله سبحانه وتعالى دي ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيد له شيطانا فهو له قرين. Et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Ya ibad Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe à travers ces versets qu'au jour du jugement dernier, certaines personnes auront un grand regret. Ils regretteront de ne pas avoir choisi une bonne compagnie et ils accuseront ceux des gens qu'ils avaient pris comme amis et diront « Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. » Et sache mon frère que celui qui s'écarte du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala lui assignera Satan comme compagnon inséparable. Voilà la rétribution de celui qui se détourne du noble livre, le Coran, et de la bonne compagnie qui met en application ses enseignements. Donc écartez-vous de la mauvaise compagnie qui n'aura aucune utilité le jour du jugement dernier, si ce n'est le regret, et de ceux qui ne suivent pas le chemin du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, afin de te préserver, ta famille et ton entourage, car l'être humain est influençable. Et combien de personnes se sont égarées à cause de leur mauvaise fréquentation? Combien d'enfants ont choisi le chemin de l'égarement à cause de leur mauvaise fréquentation? Ya ibad Allah, réfléchis bien. Qui prends-tu comme compagnon? Qui prends-tu comme camarade? Qui prends-tu comme ami? Que ce soit dans ton entourage, au travail ou ailleurs. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا » Quiconque a le diable pour compagnon inséparable, quel mauvais compagnon. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi ceux qui aiment réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en le suivant et en mettant en pratique sa sunna, et que nous soyons ressuscités parmi ceux qu'on aura aimés, parmi les prophètes, leurs compagnons et les gens vertueux, le jour du jugement dernier. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.